Ce vendredi, à la vie en BD, Alex A. et l'agent Jean, Michel Falardeau et son domaine Gridoire, et un regard sur les finissants du baccalauréat en arts et sciences de l'animation à Québec. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, votre magazine consacré au 9e art, avant-dernière émission, avant la pause estivale, et ben c'est un plaisir de faire ce dernier sprint avec vous, et un dernier sprint qu'on fera également en regard notamment avec des sorties récentes, notamment l'agent Jean, le tome 8, tome qui met fin à la première série, si on peut dire, de l'agent Jean, une série qui a connu un gros succès du point de vue jeunesse au Québec. Alors ce sera un plaisir évidemment de revenir sur cette aventure-là, une aventure quand même assez intense également. On parle tout de même de 8 albums en 4 ans pour Alex A. On parle aussi d'un succès public, d'un succès scolaire également. Alors ce serait intéressant de revenir là-dessus avec lui tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, on aura le plaisir de jaser avec Michel Falardeau qui nous revient donc quelques années après French Kiss 1986, donc qui nous offre maintenant une nouvelle série, le domaine Grilloire, premier tome qui vient tout juste d'apparaître sur les étals des libraires. Un album qui nous amène dans l'univers du rêve, dans une ambiance un peu angoissante, ancrée également dans un certain réalisme. Alors on va décortiquer l'album en sa compagnie. En fin d'émission, on va s'entretenir avec le chargé de cours à l'école de design, Jean-Jacques Tremblay, pour parler du gala BAZA 2015, donc le gala des étudiants et étudiantes du baccalauréat en arts et sciences de l'animation, programme à l'Université Laval. Ça nous permettra de profiter un peu de l'occasion, de se donner une excuse pour parler de ce sujet dont on parle trop peu souvent, mais qui est pourtant dans notre mandat, dans la mission qu'on s'est donnée, donc c'est-à-dire l'univers du cinéma d'animation, et de parler peut-être un peu du côté pédagogique, quand même un programme qui roule assez bien ici à Québec, et une belle vitrine pour ce programme également ce soir avec ce gala. Alors voilà pour le programme de l'émission d'aujourd'hui. Sinon, dans l'actualité, je pense qu'il y a un élément qui est ni plus ni moins incontournable cette semaine qui est sorti. C'est les finalistes au prix BDLIS. On le sait, en fait, il y a deux séries de prix qui sont données au Québec, donc les BDLIS Causa qui sont offerts pendant le Festival de BD de Québec, et les BDLIS qui, eux, sont les prix offerts par Promo 9e art juste à l'aube de l'été, qui seront remis cette année en programmation off du Festival de la BD de Montréal, donc le 29 mai prochain. Et on parle d'un jury qui a été formé dans ce cas-ci de libraires, de bibliothécaires et également de lecteurs qu'on dit avertis. Alors, il y a quatre grandes catégories. La première, c'est BDLIS Monde, qui elle récompense tout azimut la meilleure BD francophone diffusée au Québec, donc que ce soit édité ici ou ailleurs. Une sélection qui est très très européenne, qui a été effectuée par le jury, américaine également un peu, avec Building Stories de Chris Ware, donc version française qui a été publiée chez Delcourt récemment, évidemment un autre grand album du géant Ware. Cet été-là de Gillian et Mariko Tamaki, édité chez Rue de Sèvres, un album qui, comme d'autres de la liste d'ailleurs, se retrouve dans plusieurs palmarès. Même chose pour Un océan d'amour, incidemment, de Lupano et Panaccione chez Delcourt. Vous avez aussi Carnation de Xavier Mussa chez Casterman, Bonbon atomique d'Anthony Pasteur chez Actes Sud, Blast, le quatrième tome de la gigantissime série de Manu Larsonnet, qui avait reçu d'ailleurs incidemment le BDIS, le coup de cœur francophone, il y a quelques semaines de ça. La propriété de Routou Modane chez Actes Sud, qui a gagné, si je ne m'abuse, des récompenses du côté d'Angoulême cette année. Histoire d'un couple de Yeon Sik Hong chez Ego Comics. Le perroquet des Batignolles, le tome 2 de Stanislas chez Dargaud. Et enfin, Ulysse, les chants du du retour de Jean Aramba chez Actes Sud. Alors évidemment, une belle sélection aussi, indépendamment de qui gagnera pour vos lectures en ce début d'été. Sinon, BDLIS Québec, pour sa part, récompense la meilleure BD francophone professionnelle, c'est important de spécifier, publiée au Québec. Alors, les nominations, il y a l'abominable Charles Christopher, le deuxième tome de Carl Kerschel, qui est publié au studio Lunac. Excellente série, évidemment, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, un univers quand même assez particulier à saveur strip. Les chroniques du Centre-Sud de Richard Suicide chez Pow Pow, le retour bien attendu de Suicide à la bande de dessinée, avec un hommage, un regard sympathique sur ce quartier et sa faune. La collectionneuse de Pascal Girard chez La Pastèque, également retour pour l'auteur, qui nous offre un petit thriller tout en légèreté du côté donc de cet album. Les cousines vampires de Caton et Alexandre Fontaine-Rousseau chez Pow Pow, donc cet album à saveur d'hommage et le pastiche du cinéma d'horreur de série B, du cinéma d'horreur de la Hammer également, donc années 70. Et enfin, J'aime les filles de Obom chez Loi de Cravane, donc cet album tout en intimité, là, absolument superbe, de Diane Obom-Sawin. Vous avez également les BDLIS qui proposent un prix consacré aux bandes dessinées auto-éditées et auto-distribuées au Québec, BDLIS indépendant. Et ça, ben, quelques mois avant justement la remise de prix, les auteurs étaient invités à se faire connaître en envoyant au fil des mois donc un exemplaire de leur publication à l'attention du jury. Évidemment, de mon côté, j'ai pas eu l'occasion de lire ces albums, ou sauf un, en fait. Alors, Circulus de Rupert Pottenberg chez Trip, Ça ne vole pas haut d'Antonin Buisson, La logique du calendrier, un ouvrage collectif, Minimax de François Donatien chez Colosse, Le poids du vide, enfin, de David Gauthier aux éditions Rémi Paradis, dont on avait eu l'occasion pour ce côté-là de parler ici à l'émission. Et enfin, les BDLIS jeunesse, donc dessinés au public 7 à 12 ans, avec un jury un peu plus particulier. Donc, des jeunes lecteurs regroupés par le réseau des bibliothèques de la Ville de Québec qui ont fait leur sélection. Notamment, il y a le tome 7 de l'Agent Jean. On va recevoir justement Alexa tantôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir un peu là-dessus avec lui également. C'est un habitué d'ailleurs de cette liste. Chasseuse de géants d'Aguirre et Rosado chez Aquileos. Le Château des étoiles, le tome 1 d'Alex Alice à Rue de Sèvres. Le tome 2 de Paola Crusoe de Mathilde Domecq chez Glénat. Et enfin, Sœur de Réna Talgemer chez Scholastique. Ah voilà, ça sera remis donc très prochainement du côté de Montréal. Et peut-être avant de partir en musique, petite mention, le jury du prix Artémisia, un autre prix, grosse émission, on a reçu ça par communiqué cette semaine. Donc le jury presque intégralement démissionné, les signataires sont plus engagés donc par les communications Action à venir concernant ce prix. Donc on parle d'Yves Frémion, Pascal Horry, Lucie Servin, Lily Stange et Stéphane Bialikoff. On sait pas exactement pourquoi, en fait, de manière générale. Ce qu'on a annoncé, c'est un nouveau jury à tout le moins. Semble-t-il qu'il y a eu une mésentente. Alors ben là, on aura donc un jury formé de bédéistes, romanciers et journalistes. Alors, ben, dossier à suivre de ce côté, et on verra si ce changement de jury affectera d'une manière ou d'une autre ben, la remise du prix pour cette année. Alors voilà pour ces éléments, pour ces clins d'œil. En musique, cette semaine, on met de côté notre habitude de 8 bits pour plutôt vous proposer quelques extraits d'un album qui nous est offert par un musicien de Québec qui s'appelle Frédéric Brunet. Si vous êtes un habitué des activités BD qui sont offertes dans la capitale, eh ben lui aussi en est un. Il accompagne souvent donc plusieurs événements BD, que ce soit des spectacles ou encore l'impro BD. Alors bon, on avait envie de vous partager son univers personnel cette semaine. Et on écoute un premier extrait qui s'appelle « Pas dans la neige ». Thank you. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD au 89.1 CKRL. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre sur Facebook nos petites nouvelles. Alors, facebook.com/ La Vie en BD. Et comme on l'annonçait dès le départ, donc on va porter un regard sur la série Jeunesse, L'Agent Jean, qui est une série donc chez Presse Aventure, 8e tome, dernier tome du premier volet, si on peut dire, de cette série. On avait envie d'en parler avec son auteur, donc Alex A., qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Salut. Alors, dernier tome, on le disait, de ce premier volet de L'Agent Jean. Est-ce qu'on a l'impression que ces dernières années, avec la réalisation de la série, ça a été, j'imagine, une aventure quand même assez intense à faire? 8 albums en 4 ans, donc un rythme quand même assez freiné côté création. Ouais. Mm-hmm. Oui, j'aime ça produire des choses rapidement. Je l'aurais fait encore plus vite si j'avais pu. Puis, parce que j'ai beaucoup d'idées dans la tête, donc moi, j'ai encore même sur moi un autre 8 tomes. Dans la tête que je pourrais faire d'être là. Et côté rythme de travail, en fait, j'imagine, un album, ça représente à peu près quoi? 2 mois d'écriture, 3 mois côté dessin? Oui, à peu près. Avec l'horaire que j'avais à cette époque-là, ouais, ça ressemblait à ça. Parce que aujourd'hui, je peux vivre juste de la BD, mais à l'époque, je devais aussi prendre des contrats d'illustration un peu partout en même temps. Puis je travaillais dans des magazines, des livres scolaires et tout et tout, mais là, je pourrais juste me concentrer sur mes BD, donc je vais passer peut-être à un rythme de 3 par année. Là. Donc, l'efficacité va pouvoir gagner vraiment en multipliant, j'imagine, autant soit en poursuivant une série, mais en multipliant les univers aussi. Oui, justement. Ben, j'ai une autre série qui s'en vient à l'automne, puis ça, je veux me concentrer là-dessus. Là. Oui, parce qu'en fait, je disais au départ, c'est la fin du premier volet de la série L'Agent Jean. Donc, dans la mesure où on a une finale avec le tome 8, mais là, la série va continuer à exister, mais plus au rythme d'un album par année, si je ne me trompe pas. Oui, quelque chose comme ça. Mais en même temps, là, c'est flou pour l'avenir des livres. On ne veut pas trop en parler parce qu'on a d'autres projets aussi, ça attarde, en rapport avec d'autres choses que des livres. J'en parlerai pas. Fait qu'on ne sait pas quand est-ce que va sortir un autre livre de L'Agent Jean, ni ça va être quoi exactement. Est-ce que ça va être une suite directe à ce que j'ai fait là ou d'autres choses? Donc, on va attendre l'automne avant d'en parler plus. Et en même temps, j'imagine, dans une dynamique comme ça, justement, où on ne sait pas exactement sous quelle forme la série va poursuivre ou l'univers va continuer, on se dit, justement, on termine, c'est une finale, le tome 8. Donc, faut frapper un coup de circuit avec ça, puis il faut réussir à boucler les choses aussi de manière acceptable pour les lecteurs autant que pour son créateur. Oui, exactement. Ben, même, c'est une fin, moi, que j'avais beaucoup à cœur. Je l'avais dans la tête depuis que j'écrivais le tome 1, puis j'avais hâte de la faire, de la montrer. Puis dans ma tête, même, ça aurait pu finir là, la série, puis j'aurais été satisfait. Donc oui, j'avais quand même l'intention de créer une belle finale. Oui, puis à travers ça aussi, sans trop en dévoiler, mais reste que c'est une fin qui nous amène aussi à avoir envie de relire peut-être un peu les autres albums, aussi en sachant justement les éléments qui ont été amenés au fil du tome. Là. Oui, ben c'est sûr que tout ce qu'il y avait là-dedans, moi, c'était prévu depuis le début, donc c'est sûr que j'ai mis des petits indices un peu partout sur la grosse affaire qui se passait depuis le début du tome 1. Donc oui, je pense que ça peut... Même je conseille à ceux qui vont lire le livre de lire peut-être toutes les autres avant, ou au moins le tome 7 avant de commencer celui-là. Je pense qu'on peut plus apprécier ce qui se passe. Et justement, Alex, je me demandais, au départ, c'était pensé donc pour 8 tomes ou éventuellement c'était 4, ça a été amplifié à 8 ou... Oui, mon éditeur m'avait signé pour 4, mais moi j'en avais déjà 8 dans la tête, donc j'étais content quand on en a rajouté 4 autres. Là. Donc oui, c'était vraiment une histoire de 8 que je voyais au départ. Et en même temps, je trouve ça plaisant. Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs quand on avait échangé au départ de la série, justement, c'est cette dynamique-là où on se lance d'emblée avec une série qui évolue sur le long terme. Donc j'imagine côté création, ça te permet de penser pour 4, d'espérer pour 8, plutôt que de se dire OK, est-ce qu'on va se rendre au 2e, est-ce qu'on va se rendre au 3e? Oui, c'est ce que j'aimais avec mon éditeur au début. Moi, c'est évident que je voyais une série. Donc si on m'avait dit on va en faire un et on verra pour le 2e, j'aurais été d'habitude aussi, quand on fait ça, c'est qu'il y en a un, puis peut-être l'année ou 2 ans après, il va en avoir un deuxième. Puis moi, je serais plus impatient, disons. Puis j'aurais fini par me tanner de ma propre série, probablement. J'aurais pas aimé ça sortir 2 livres en 4 ans, disons. Et puis en même temps, pour le public aussi, de savoir qu'il y a un rendez-vous 2 fois par année, il me semble que ça devient plus facile aussi de créer une relation avec le personnage, créer une relation avec l'auteur aussi, d'une certaine façon. Oui, on est quasiment proche de la série télé, si on veut. Oui. Puis moi, c'est un peu mes influences aussi, les dessins animés je regardais dans l'adolescence, puis même encore aujourd'hui, là, c'est cette genre de structure d'histoire-là avec un début de saison puis une fin, j'aime beaucoup ça, donc je suis content de pouvoir produire quand même beaucoup de livres pour ça. Oui, puis avec en même temps la notion de créer un univers aussi, comme tu le disais, qui vient aussi, puis en fait, j'imagine que le fait d'avoir choisi des personnages animaliers, ça t'a permis d'aller vraiment vers quelque chose d'absurde, de plus grand que nature, d'un peu délirant d'une certaine façon. Ben, je sais pas, mais mes autres projets que j'ai en tête sont pas mal plus absurdes et pétés que ça. C'est probablement mon plus straight, la Jean-Jean. Ah oui? C'est un personnage que je connaissais depuis plus longtemps, parce que je le dessine depuis que j'ai 10 ans. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est très classique, si on veut, comme l'histoire d'un personnage de parodie d'agent secret, cartoon, et tout ça. C'est quelque chose avec lequel je me sentais vraiment confortable pour commencer, puis pour apprendre la bande dessinée, si on veut. Mm-hmm. Donc, non, c'était même pas... Pour ça, même là, j'aime ça, sortir des personnages animaliers, même, puis aller dans le plus bizarre encore. Je trouve ça strike, des personnages d'animaux. Ça a été fait beaucoup. Et en même temps, ce qui est intéressant, indépendamment justement de la nature du bizarre, c'est un peu le défi, j'ai l'impression. On va vers l'absurde, on pousse l'absurde avec des limites X ou Y, mais en même temps, il faut quand même avoir une histoire cohérente, parce que sinon, le lecteur va décrocher. Donc, faut jongler avec l'absurde, le délirant, le loufoque, mais avoir quelque chose quand même d'assez, si tu me permets l'anglicisme, d'assez basique, d'avoir un bon fil rouge, là. Oui, oui, ben c'est sûr que moi c'est l'histoire qui prime avant tout, là. Puis moi je dirais même que c'est très très sérieux quand je pense à mes histoires puis le déroulement de ma série, là. Fait que les blagues, ça vient un peu après, quand je me mets à écrire plus sérieusement mes albums, je me mets à écrire les dialogues, là les personnages se mettent à faire des gags, puis je m'amuse à comment je dirais ça, dédramatiser certaines situations, fait que ça rend la chose comique. Puis je sais pas, ça vient comme naturellement transformer tout ce que je fais en quelque chose de comique. Mais c'est sûr que oui, il y a un fil conducteur, puis je prends ça très, très au sérieux, puis j'essaie de que ça se tienne bien à la fin, finalement. Oui, en fait, d'avoir une marge, en fond, assez claire puis assez fixe pour, après ça, pouvoir te permettre de te laisser aller, comme tu dis. Oui, c'est sûr. Puis... Ouais. Puis en même temps, mais dans le fond, est-ce que c'est ce qui a donné aussi ce laisser aller là une variété au niveau du format des albums? Parce qu'il y en a eu des quand même assez denses, assez massifs là, ouais. Au fil de la Jean-Jean. Oui, ça tournait autour de entre 90 et 130 pages. Mais ça, je pense que ça vient surtout du fait que j'apprenais encore la BD avec cette série-là. Je pense même que ça a pris peut-être 6 ou 7 tomes avant que je commence à être satisfait de mon travail, là. Ouais, fait que j'expérimentais avec des histoires des fois plus longues, plus courtes. Ça dépendait vraiment de ce que j'avais envie d'écrire à ce moment-là. Et en même temps, à un moment donné, bon, il y a un premier tome, un deuxième tome qui sortent. Tu fais évidemment les salons du livre. Ben en fait, aujourd'hui, quand on te voit dans un salon, il y a toujours une file assez imposante. À quel moment de ton côté, en tant qu'auteur, en tant que créateur, justement, on sort un peu de la table à dessin et on se dit, OK, mon Dieu, c'est un succès, ça marche. Il y a beaucoup de monde qui lit ça, finalement. Là. Ouais, ben moi, c'est arrivé au tome 5. Je me souviens, j'étais allé au... ça marchait super bien avant le tome 5, mais il a vraiment commencé à avoir comme un vraiment gros buzz au tome 5. C'était au Salon du livre de Saguenay. J'ai seulement remarqué que des jeunes me connaissaient vraiment beaucoup plus, puis c'est là que j'ai commencé à avoir des fils, que les gens attendaient vraiment les livres, puis qu'on était backorder pendant le salon. Donc là, je me suis dit, oh, OK. Puis là, depuis ce temps-là aussi, ça n'arrête pas d'augmenter à chaque livre. Fait que là, ça me fait un peu capoter. Oui, t'es quoi? J'étais tombé à un moment donné sur genre 200 000 livres imprimés. C'est... Ouais, ben là, on a... Là, je pense qu'on a dépassé facilement 200 livres vendus. Puis le tome 8, on a, je sais même pas si on peut le dire, je sais pas si mon éditeur voudrait, mais en tout cas, on a un tirage d'à peu près 50 000. Donc quand on parle de succès, c'en est un, là. Clairement, ça, ne serait-ce qu'au niveau des chiffres, là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense qu'on va dépasser le 300 000 peut-être à la fin de l'année. Donc, c'est cool. Et en même temps, ça montre, je trouve ça le fun, en fait, que tu dises, regarde, c'est au tome 5 que ça a commencé à rouler. Ouais. J'ai l'impression, je me dis des fois, c'est que ça serve d'exemple aussi à d'autres éditeurs, qu'à un moment donné, la série peut marcher, mais plus ça dure, à un moment donné, les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, ils vont creuser, ils vont découvrir un univers, ils vont le découvrir au cinquième, vont retomber au premier, puis c'est comme ça aussi qu'on crée une dynamique, d'une certaine façon. Oui, c'est ben je pense, puis même en les sortant aussi, en sortant deux fois par année, je pense que ça peut aider, parce que c'est sûr que tu gardes toujours tes lecteurs de là, puis t'en as toujours des nouveaux, parce que toujours des nouveautés, donc c'est plus facilement en promotion, si on veut. Les livres sont plus facilement à la vente en librairie, donc oui, c'est sûr que ça peut aider à ce côté-là. Mais il y a aussi beaucoup d'efforts de mon éditeur aussi. Dans la promo qui a beaucoup aidé. Ils ont beaucoup, beaucoup investi dans la série, puis je pense que ça le rapporte bien aujourd'hui. Et j'aurais envie de dire d'effort de l'auteur pour faire quelque chose de bon aussi. Là. Ah oui, non, c'est sûr que mon but, c'était vraiment de faire la fin la plus tripante possible, puis je suis content. On dirait que ça a marché. Oui, je suis content. Et en même temps, dans certaines entrevues, je suis tombé sur des regards que t'as, des surprises que tu avais à l'occasion quand tu allais en milieu scolaire, de voir un peu justement que tes livres aussi étaient utilisés dans des cours par les profs, puis que de manière générale aussi, la qualité du français que tu avais choisi d'intégrer là-dedans était parmi les arguments qu'ils amenaient à l'utiliser. Oui, il y a beaucoup de mots, puis beaucoup de pages, puis un bon niveau de langage, c'est ce qu'ils me disent. Puis ça fait du sens aussi avec le fait que moi j'ai jamais pensé à mon public cible en écrivant. Moi j'écris ce que ça me tente d'écrire, puis ça donne que c'est catégorisé album jeunesse. Mm-hmm. Donc je pense que c'est ça qui aide. J'essaie pas de m'abaisser au niveau des jeunes, puis je me dis pas pendant que j'écris, ah, faut absolument qu'ils comprennent, donc faut que je mette moins de mots ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est ça que les profs aiment. Ça fait quelque chose avec plus de couches que ce qu'on peut voir habituellement, je pense. Et au niveau du jeunesse, on est quand même aussi beaucoup sollicité justement à aller en milieu scolaire, milieu bibliothèque, les salons aussi. Est-ce que cette dynamique-là et le fait d'avoir aussi quand même pas mal de contacts avec des lecteurs ou dans différents contextes ou d'éventuels lecteurs, ça a influencé aussi la manière par laquelle tu effectuais le travail quand tu retournais en atelier? Je sais pas. J'ai jamais grande posé question. La question. Mais, hein? Comment? Non, j'allais dire grande question. Oui. Mais est-ce que ça l'a influencé? Non, je pense que non. Même pas, ça fait tellement longtemps que je veux faire ça, que je me pratique à faire ça, puis que j'ai mes personnages dans la tête, que je sais pas, c'est ma manière de faire, de penser n'a pas vraiment changé avec mon contact avec les jeunes. Je suis même de plus en plus juste de plus en plus content de voir qui embarque dans mon univers. Mais c'est plus un partage de ton enthousiasme vers eux d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Je m'en vais là surtout pour leur donner le goût de créer des choses, leur donner le goût de dessiner puis d'écrire. Puis ça aussi, ça marche bien quand même. Oui, surtout dans ton cas, en plus, tu disais tout à l'heure, c'est un personnage avec lequel tu vis depuis longtemps. Je pense que tu l'avais dessiné, t'avais quoi, 9-11 ans à peu près dans les premières esquisses? Oui, c'est flou. Je pense que j'avais 10 ans à peu près, ouais. J'ai commencé, puis c'est le seul de mon enfance que j'ai dessiné toute ma vie. C'est le seul qui a survécu, fait qu'il devait avoir quelque chose de spécial. Oui, tu t'es demandé justement qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour qu'il survive autant et pour que, quand on dit, bon, OK, tu fais un album, une série, puis que tu choisisses que ça soit l'agent Jean, justement, le héros. Ouais, ben ça a été un gros questionnement. En plus, quand je me suis senti prêt d'envoyer des dossiers à des éditeurs, je me suis beaucoup demandé quel projet j'envoie. Puis ça a vraiment été l'agent Jean qui a fini par s'imposer. Puis même, j'avais envoyé plusieurs séries en même temps à mon éditeur actuel. Puis eux aussi, c'était l'agent Jean qui ont marqué en premier. Donc oui, il était destiné. C'est à la limite peut-être justement le côté naïf de l'enfant qui l'a dessiné au départ, puis après ça le fait qu'il a vieilli, il s'est affiné, son univers a eu le temps de se préciser au fur et à mesure que toi-même aussi ce que tu avais envie de faire se précisait, j'imagine. Oui, ça, il y a tellement d'années de travail là-dedans, c'est sûr. Je pense que c'était quelque chose de très très complet dès le tome 1, avec déjà plein de personnages, plein d'histoires. Donc oui, ça l'a aidé, c'est sûr. Et en même temps, ben, justement, tu le mentionnes, dès le tome 1, l'univers était placé, le ton était donné. Est-ce que quand toi, tu regardes, après 8 tomes, justement, que tu retournes un peu dans tes premiers albums ou que quelqu'un t'amène tes premiers albums, tes revois, est-ce que tu constates beaucoup de différences, beaucoup d'apprentissage, que tu le disais, tu as appris aussi à faire de la BD en faisant ça? Et si on t'offrait l'opportunité de refaire le tome 1 aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses majeures que tu viendrais changer là-dedans? C'est surtout, je dirais, les 4 premiers tomes, moins une 4, mais c'est les dessins surtout. Dans les histoires, la manière d'écrire, je suis assez satisfait, peut-être à 80%, mais je regarde les dessins du tome 1 aujourd'hui, puis j'ai envie de pleurer. Les 3 premiers surtout, là. Puis on peut comparer, même si on regarde le premier puis le 8e, il y a vraiment une énorme différence entre chaque, puis moi j'avais vraiment, vraiment envie de refaire les dessins du premier, je pense que ce sera encore meilleur. Mais en même temps, je dis ça, mais personne ne remarque vraiment la différence, à moins de pointer puis dire oui, regarde, ça c'est vraiment différent. Là, on le remarque, mais quand on lit d'un coup, on dirait que les gens je sais pas, c'est pas quelque chose qui les touche vraiment. On dirait que tant que le personnage est là puis qu'il est expressif, ça va. Donc c'est peut-être moi qui m'en fais pour rien. Ou à la limite, on gardera ça pour dans une dizaine d'années quand on fera des analyses côte à côte, des planches. Là. Ouais. Ouais, ben, c'est intéressant de voir des personnages évoluer aussi, j'imagine. Fait que moi, je pense que j'ai. Mais là, tu vois, on sort. on va sortir les livres en anglais, puis en France, à l'automne. Puis là, j'ai comme un peu honte de montrer ce vieux produit-là aux gens là-bas. Mon Dieu, j'aimerais ça plus remontrer mon travail plus récent. Mais en tout cas, je pense que ça va aller. Oui, puis en même temps, j'imagine que dans ces cas-là, le fait, on vit, j'imagine, un air d'aller similaire à l'air d'aller au Québec, donc des sorties quand même assez régulières, donc ça va... Ouais, c'est ça. Puis là, les 8 sont déjà faites, fait qu'on n'a pas à attendre ou avoir de délai ou quoi que ce soit, fait qu'on peut même en sortir plus juste par année, c'est cool. Puis tu disais, au niveau anglophone aussi, il va y avoir une itération, plus au niveau canadien, au niveau américain? C'est canadien, puis un peu américain pour l'instant, mais je pense qu'on se concentre plus canadien parce que c'est dur des États-Unis. Mais je suis pas au courant de tous les détails non plus là-dessus. Là. Je suis plus concentré à faire mes livres, moi, le côté commercial. et en même temps, on le disait au départ, donc le tome 8, c'est un peu la clôture donc de cette première série. Peut-être que le personnage va revenir sous d'autres itérations, peut-être en album éventuellement. C'est sûr qu'il va revenir, mais on sait pas l'itération. Oui. Enfin, on aura l'occasion de s'en reparler quand ça sera annoncé, ouais. Disons-le plutôt comme ça. En terminant, Alex, la prochaine série qui est dans les cartons, ça s'appelle L'Univers et Ninja. De ce que j'en ai compris, c'est une histoire épique un peu façon Seigneur des Anneaux. Oui, L'Univers est un ninja. L'Univers est un ninja, voilà. Ouais, c'est Seigneur des Anneaux, l'acide solide. Mais ce genre d'histoire-là dans un univers très fantastique où le personnage a une quête et en plusieurs livres et doit se rendre à une grande montagne. Ce genre-là, mais vraiment avec encore plus absurde et plus pété que l'agent Jean peut être, avec plein de personnages variés puis des lieux qui ne peuvent pas. Donc, en fait, c'est tout ce que j'aime dessiner et raconter dans la vie que je mets là-dedans. C'est comme ma première vraie série de rêves ambitieuses. Et ça sort cet automne? Oui. Alors, on va. Si je pars tard. Mais ça devrait aller. Alors, d'ici là, donc, on se met la main donc, sur le dernier agent Jean. Alex A, merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Avant d'aller en pause, j'en profite pour faire un petit clin d'œil puisqu'on parle de bande dessinée jeunesse, simplement pour vous diriger vers une série si vous cherchez d'autres univers. Une série qui est pas détestable du tout, qui s'appelle APA, tome 1, Boule de poils. Donc, une série avec, un univers un peu classique, si on peut dire. Donc, c'est cette histoire presque habituelle, d'un petit garçon ou une petite fille, dans ce cas-ci, une petite fille qui se retrouve associée à une créature au format inhabituel, dans ce cas-ci, un dragon auquel elle a sauvé la vie, qui doit donc lui être loyal envers et contre tout. Et ensemble, ils vont vivre donc une aventure pour aller peut-être changer un peu le cours de la destinée de leur planète. Mais dans ce cas-ci, c'est une formule classique, mais qui est faite de manière efficace. Alors, on a envie de leur pardonner, si on peut dire, le côté plus habituel de la formule. Les dialogues sont drôles, dessins qui est nerveux, qui est sympathique, des personnages charismatiques et expressifs. Donc, ça fonctionne, en fait, un mélange qui marche d'une certaine façon, avec un univers qui est assez aussi amusant dans ses règles, dans les créatures qu'il peuple, qui nous renvoie aussi à d'autres références, évidemment, ça et là, mais encore là, qui fonctionne. Notamment, il y a un peuple de petits cailloux, de petites pierres intelligentes, ce qui peuple une île, et c'est vraiment, en fait, ça devient un personnage vraiment cute, là, si on peut dire. Donc, une faune qui est bizarre, qui est dangereuse, qui est attachante, selon la nature des bêtes. Et donc, Dave et Thomas Bonny ont vraiment là, je pense, une bonne amorce d'univers. Va être intéressant, évidemment, de voir de quelle manière ça va progresser, ça va évoluer, puisque, contrairement à d'autres séries à caractère jeunesse, on est vraiment dans une quête qui semble un peu plus sur le long, peut-être un peu plus dans l'esprit, justement, de séries comme Les Légendaires que des trucs plus jeunes, un peu plus comme Tibeta Boom ou des choses comme ça. Et donc, dans le fond, tout ça pour vous dire que ça fonctionne, que ça marche. Si vous avez l'occasion de la peupler, de la feuilleter. Je te dis un coup d'œil. Si c'est le genre que vous recherchez, je pense que que ça va faire une belle distraction en ce début de saison estivale. Alors voilà, nous là-dessus, on prend une courte pause à venir. Jean-Jacques Tremblay et Michel Falardeau. Lundi 1er juin, CKRL lance l'été 2015. Lance sa programmation d'été 2015. De 15h30 à 17h30, découvrez les nouveautés de la saison estivale lors de l'émission de lancement animée par Tania Beaumont en direct du Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Tout de suite après, venez nous rejoindre pour rencontrer l'équipe de CKRL et profiter de la prestation de Jérôme Casabon en 5 à 7. Le lancement de la programmation d'été de CKRL, c'est un peu le lancement de l'été. Ici Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre. Parmi le meilleur de la création théâtrale actuelle, nationale et internationale, j'ai choisi pour vous des spectacles qui célèbrent la vie. Tauberbach, Attentat, Parker, Trois, Murmure des murs et plusieurs autres. Du 21 mai au 7 juin, je vous invite à vous laisser surprendre, ravir, émouvoir. Bon festival! Ici Denis Lelièvre. À l'occasion du concert exceptionnel que donnera le quartet du saxophoniste Wayne Shorter à Québec, CKRL vous offre une émission spéciale relatant la carrière du musicien. Le lundi 25 mai, à Midi Jazz. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Le dimanche 31 mai, c'est la marche pour l'Alzheimer. Alors le dimanche 31 mai, venez marcher le dimanche 31 mai afin d'aider les sociétés Alzheimer du Québec à soutenir les personnes atteintes et leurs proches le dimanche 31 mai. Joignez-vous à la marche le dimanche 31 mai afin d'amasser des dons pour vaincre la maladie d'Alzheimer le dimanche 31 mai. Inscrivez-vous avant le dimanche 31 mai sur marchepourlalzheimer.ca. La marche pour l'Alzheimer, c'est le dimanche 31 mai. N'oubliez pas. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle. Prochain match, le 1er juin. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. 89.1 CKRL. Vous êtes à l'antenne de CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission La vie en BD, votre magazine consacré à la bande dessinée. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions en balado diffusion au lavieenbd.wordpress.com. Et on porte un regard donc sur des nouvelles séries. On est vraiment dans l'actualité cette semaine. Et autre sortie toute récente, c'est Le Domaine Grilloire, premier tome If Only Everything chez Glénat. Nouvelle bande dessinée de Michel Falardeau qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Raymond. Et Michel, en fait, on passe des chroniques d'enfance de French Kiss 86 vers la sphère du fantastique, du surnaturel. D'où est venue peut-être un peu l'idée? Qu'est-ce qui t'a lancé sur la piste du Domaine Grilloire? Hey, ça remonte à loin quand même. Hein? Ça remonte à 2006. C'est mon premier vrai scénario que j'ai écrit. Puis je pense que je venais de lire Harry Potter. Puis là, ça m'a influencé un peu. Je me suis dit, je vais écrire pour vrai cette fois-ci. Parce que Mertonville, il faut dire, ma première série, c'était très spontané. Hein? Le texte était mis au fur et à mesure. Là, je me suis assis, j'ai écrit un scénario. J'étais pas capable de le faire parce que, faut dire, Le Domaine Grilloire, surtout le premier tome, il se passe beaucoup de choses, mais pas beaucoup d'action. C'est beaucoup des gens qui parlent, c'est dans la psychologie. Donc, super dur à rendre pour un jeune de 25 ans en bande dessinée. Fait que je l'ai mis dans mes tiroirs, puis je l'ai ressorti donc presque 10 ans plus tard. À un moment où on s'empresse justement de relever ce défi-là. Oui. Puis finalement, j'étais prêt, mais ça a été dur en mots, t'as dit le premier album. Oui, parce que j'imagine, en fait, quand on est dans le psychologique, dans le dialogue, il y a un défi de mise en scène d'une certaine façon. Il faut que ça soit dynamique, il faut que ça parle. Ouais. Il faut que les dialogues sentent vrais aussi, que les échanges soient souples. C'est quand même beaucoup de challenge. Puis c'était l'action située à Québec. Puis, ben, en fait, j'aurais pu mettre ça dans une ville imaginaire, mais mes premières BD, hein, les villes, ça se résumait à avoir une ligne d'horizon en forme de gratte-ciel. Là, dans une histoire assez réaliste, tu peux pas te permettre de faire... Tu sais, j'ai utilisé beaucoup Google Street View. Fait que c'est vraiment la ville de Québec. C'est très long à dessiner, très long à colorier. Donc, non, je regrette pas du tout. On prend des skills. et en même temps, à travers ça aussi, il faut dire, il y a le côté très réaliste, mais il y a un côté aussi un peu fantasmagorique. Il y a l'univers des rêves aussi, ouais, qui vient un peu en alternance avec la réalité dans laquelle tes personnages vivent. Ouais. Ben là, les rêves, c'est un thème que j'aborde depuis assez longtemps. Là, je pense qu'après cette BD-là, je vais être correct. J'ai souvent ça, des sujets que je répète jusqu'à temps que j'aille abuser. Parce que dans Locke, il y avait beaucoup les fantasmes, les rêves de Locke. Donc, dans cette BD-là, en fait, je voulais pas jouer la carte que c'est-tu un rêve, c'est-tu la réalité. Fait que j'ai commencé tout de suite en disant chaque rêve est numéroté. Genre, rêve numéro 256. Parce qu'il faut dire, le personnage de Noah fait des rêves récurrents, des cauchemars qui lui bousillent la vie. En fait, parce que elle a été traumatisée par une attaque de bêtes étranges il y a quelques années. Et en fait, le gros de l'histoire au début, c'est qu'elle décide de faire une enquête sur cette attaque-là. Parce qu'il est sûr que c'est pas un ours, c'est plus, puis qu'il y a de quoi de bizarre autour de ça. En fait, c'est le qu'est-ce qui s'est passé, puis une fois qu'on a le qu'est-ce qui s'est passé, c'est le qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis finalement, c'est ça le truc, quand t'es scénariste, t'amènes les gens ailleurs. Fait que, ouais, c'est tout déboule, fait des rencontres étranges, on peut pas en dire beaucoup. Hein? Non, on peut pas en dire beaucoup, mais c'est qu'on est vraiment aussi, il faut dire, dans le psychologique, dans la mesure où Noah, ce que tu nous offres, c'est vraiment un personnage tridimensionnel, un personnage qui est riche. C'est un personnage qui est à la fois très fort, mais qui est à la fois aussi très traumatisé. En fait, c'est une victime, mais qui a tiré beaucoup de force de cette blessure-là, ouais, mais beaucoup d'obsession puis d'hantise aussi pour comprendre. Donc, c'est un peu son parcours, son cheminement justement vers l'action, au bout du compte, le Thomas. Ah oui, ben c'est carrément ça. Tu sais, elle décide de poser les... Parce que, tu sais, l'introduction au début, sans trop dévoiler de choses, ben on la voit en tant que victime, puis soudainement, ben il y a une décision qui se prend. Elle décide de faire des recherches, donc de passer à l'action. Puis tranquillement, ce qu'on voit assister, c'est les résultats, au début, très petits. Puis tranquillement, c'est ça, les résultats de son enquête. Et au niveau du design, je parlais des rêves tout à l'heure, parce que tu me disais, au niveau de la ville, on s'est documenté, on s'est assuré que ça soit crédible. Ouais. Au niveau des rêves, côté composition des images, j'ai l'impression que tu t'es lâché lousse. Je me suis lâché lousse, mais au début, je partais... Tu sais, c'est tellement long faire une BD, hein, fait que j'ai manqué le faire... tu sais, me dire, c'est le monde des rêves, je fais n'importe quoi. Ce qui aurait pu être le fun, mais finalement, je me suis dit, non, il faut que je fixe des limites, il faut qu'on puisse les reconnaître, les rêves, d'une fois à l'autre... que les mêmes symboliques reviennent. Il y a un décompte, justement, qu'on voit de temps en temps. Le décompte que j'ai subi dans mes propres cauchemars quand j'étais enfant. C'est mon pire cauchemar. Un décompte. Et donc, c'est ça. Je me suis laissé beaucoup aller. J'ai décidé de mettre du fantasmagorique, mais de façon limitée. Et en même temps, avec un trait aussi qui est un peu différent, qui est peut-être un peu plus nerveux, avec... on joue avec le flou dans la mesure où il n'y a pas la clarté non plus qu'on a dans la réalité. Donc, ouais, on est un peu dans la perception, dans le fond, de Noah. Même un peu plus. C'est ça, parce que la perception, c'est quoi un rêve, hein? Est-ce que c'est notre subconscient qui nous joue des tours? Fait que c'est ça. Je veux pas trop en dévoiler rapidement au lecteur. Fait que c'est pour ça que je joue beaucoup avec les rêves, puis qu'il y a très peu d'informations. Même quand on donne des informations, des fois, c'est juste du visuel. Donc, je voulais faire participer le lecteur qui interprète beaucoup la réalité de Noah. En fait, il y a peu d'informations, mais il y a beaucoup d'ambiance. En plein ça. Et d'une certaine façon, est-ce qu'il y a quelque chose d'angoissant dans cet album-là? Il y a quelque chose de drôle dans la mesure où le personnage est un peu acerbe, il est cynique. Oui. C'est peut-être là qu'elle va chercher sa force. Donc, ça vient peut-être atténuer un peu ou à désamorcer certains moments d'angoisse, mais reste que l'angoisse, elle est présente. Et c'est un peu à travers les rêves qu'on vient à ressentir un peu cette angoisse-là, pour le lecteur, du moins. Oui. Ben, c'était ça mon but aussi. Je sais pas si c'est... moi, je suis tellement collé sur mes livres que je ne sais plus. Je sais pas s'il est angoissant aussi dans le réel de la vie de Noah, mais les rêves, c'était mon défi. J'en parlais justement avec un auteur il y a un an. C'est-tu faisable de faire de la vraie horreur en bande dessinée? Là, j'ai aucunement la prétention d'y être arrivé, mais je me suis dit, il y a quelques places que ça doit être un peu quand même, tu sais, ça doit être pas agréable à regarder. Je me dis, au moins, si j'ai créé de l'angoisse, ben ça va être réussi, là. Et en même temps, à travers ça aussi, j'ai l'impression que tes planches sont... T'as choisi vraiment des dominantes au niveau couleur, en fait, soit des bleus, soit des oranges, qui reviennent beaucoup, beaucoup. Puis même, de manière générale, en fait, il y a une gamme chromatique qui ressort de chaque page, que ce soit le jour, le soir, ouais, dans un rêve ou non. Je fais pas exprès. Non, ben, tu sais, la couleur, je l'ai souvent dit, c'est la partie que... C'est la partie que je suis moins bon. Je pense que je commence à devenir pas si pire. J'essaye de créer chaque scène à sa palette, mais c'est quand même la place qui est la plus laborieuse pour moi. Puis qu'éventuellement, je vais sûrement engager quelqu'un un jour parce que c'est des mois de travail pour quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Hein. Oui, en fait, ça demande une... Ben, en fait, ça rajoute un peu à la mise en scène, aux ambiances et le reste. Ah, ben oui. Ben, c'est super important en plus, là. Je veux dire, la couleur, elle joue un rôle prédominant, je pense, dans cette BD-là, mais... pour moi, c'est vraiment plus dur de colorer une BD que de la dessiner ou de l'écrire. Donc, éventuellement, on va donner ça à un spécialiste ou une spécialiste. Et ce que je trouve intéressant, c'est dans les pages des rêves, justement, les moments les plus sombres, mais reste que dans l'album, c'est les moments les plus lumineux. Oui, c'est vrai. c'est bizarre parce que, je viens de m'en rendre compte, c'est souvent la nuit dans le réel et les ambiances sont noires, des ambiances de nuit, alors que dans le monde des rêves, c'est toujours... C'est un gros soleil vraiment intense. Ben oui, puis l'ouverture, même si c'est la nuit, que c'est des bleus, un bleu très clair, on sent que c'est quand même la nuit par l'effet, mais c'est très lumineux, c'est vrai. Je trouvais que c'est un renversement intéressant, parce que je me disais en même temps, on parlait de mécanique de l'angoisse, mais reste qu'il y a une notion de surprise aussi, puis de faire peur le jour, ou que le moment sombre, dans le fond, ce soit le moment lumineux. Je trouve que ça crée un effet de surprise aussi, dans le fond, instinctivement, peut-être que t'as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Je sais pas, mais merci de me faire rendre compte que peut-être j'étais intelligent quand je m'en rends pas compte. Et en même temps, tu as choisi, après justement l'univers de l'enfance, avec un univers très très masculin aussi avec French Kiss, là tu t'en vas vers un univers quand même très féminin. Tes personnages principaux, ce sont des deux filles, oui. des femmes fortes aussi. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce type de personnage-là? Parce que ça tranche aussi avec Locke et avec Mertonville, si je ne me trompe pas. Ben oui, puis non, parce que tous mes personnages féminins depuis le début... Même s'ils sont pas toujours les principaux, ça reste toujours des femmes très fortes. Dans French Kiss, la Rousse a pu déclencher les 30 petits gars tout seul, là. Elle est plus forte qu'eux autres. C'est même presque sa BD à elle, je pense. Mertonville, c'est mes débuts. Je voulais un peu ça avec Lydia, mais tu vois qu'elle n'est pas aussi complexe, c'est pas une femme aussi forte. Comment c'est arrivé là? Un, j'aime les femmes fortes. Deux, j'aime dessiner des filles. Trois, je pense qu'il n'y en a vraiment pas assez dans la culture populaire. Je comprends pas comment ça, en 2015, les filles jouent pratiquement juste des rôles qui consistent à parler du héros et quand est-ce qu'ils vont l'épouser. Je veux dire, il n'y en a pas d'histoire d'amour dans cette BD-là, puis je pense qu'il n'y en a pas de besoin. C'est des filles qui avancent dans la vie, puis... qui sont belles à leur façon, puis je pense que c'est bien correct comme ça. Oui, puis à la limite, en fait, je veux dire, on pourrait dire que c'est des humains qui avancent dans la vie au départ, ça donne à être des filles aussi. Je veux dire une chose, c'est que je me suis jamais posé la question sur le sexe de mes personnages. Dans aucune de mes séries, c'est l'histoire qui choisit. Souvent, ça va être des filles qui vont arriver, mais je me suis jamais posé la question. Une année, là, c'était un peu plus, ça me ressemblait, donc j'ai mis un gars, French Kiss. Je sais pas, c'est l'histoire que je choisis. Oui, puis en même temps, je pense que j'étais tombé à maner sur une citation qui avait circulé pas mal sur le web de George R. R. Martin, qui se faisait demander justement, vous écrivez des personnages de femmes fortes, comment vous y prenez? Puis il avait dit, je fais comme si c'était des personnes, puis j'écris des personnes fortes, puis ça donne à être des filles. J'avais déjà répondu pour Mertonville, parce qu'on me demandait dans mes débuts j'avais écouté Sex and the City pour écrire des bons personnages de filles. Puis j'étais comme, non, puis là, tout le monde demandait, c'était quoi mon truc? Je fais comme si c'était des gars. Puis, ben, tu sais, là, c'était allé. Je veux dire, je me posais pas vraiment de questions, puis ça marche. Je veux dire, c'est pas des gars qui ont une physique de fille, ils bougent comme des filles, je pense. Puis après ça, l'idée, c'est de créer aussi, de trouver une manière par le physique, par la manière dont ils se présentent, dont ils se tiennent, avec leur personnalité. Donc, un côté plus renfermé, justement, plus traumatisé pour Noah, mais ouais. Inversement, Axel, qui est plus mystérieuse, ouais. Qui est plus sexy aussi, d'une certaine façon, ouais. À sa manière. Ben, à sa manière, je pense que, sans vouloir trop en dire, je pense que c'est plus de la naïveté. Je veux dire, elle se pose pas... Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui va dire, je veux m'habiller sexy... elle a le droit, c'est tout. Là. Mais une attitude peut-être un peu plus, en fait, plus affirmée. Ouais, justement ouais. Comme ça. Puis en même temps, ben, ça crée aussi encore là une duplicité. Donc, ça permet de dynamiser un peu le dialogue, d'explorer la complicité entre ces deux personnes-là. Oui, oui, ben, veux pas, vu la différence de caractère. Hey, c'est dur, hein, faut tout le temps, je me retiens, j'ai peur de trop dire de choses. Moi, je connais le tome 2, je viens de le finir à soir. Fait que, ben, tu sais, il fallait créer une complémentarité. Il fallait que, tu sais, la soirée qu'elle se rencontre, c'est un coup de foudre en amitié, puis. Si j'avais fait juste deux filles, deux belles filles qui n'ont pas vraiment un caractère précis, ben, on n'y aurait pas cru. Il faut deux caractères spéciaux qui vont s'affronter. Puis qui... En fait, qu'on y croit parce ouais. Que justement, on se dit, si ça arrivait dans la vraie vie que ces deux personnes-là se rencontraient, ben, ça pourrait effectivement cliquer. Ben, je pense que oui. Ouais. Puis en même temps, tu as choisi de le situer dans l'univers québécois. Ouais. Un peu comme avec French Kiss, tu gardes l'accent québécois aussi ou des tournures de parler. Ouais. Mais c'est aussi destiné au public européen. Donc, j'imagine que... Il y a une dynamique de ce côté-là aussi dans la réception. Ah oui, on entend tout. Il y en a qui trouvent ça bien le fun. Il y en a qui... C'est assez... L'accent québécois, c'est assez pour dire que cette BD ne vaut pas la peine d'être lue. Là. Donc, ben tu sais, regarde, c'est... Je pense que tu le sais aussi, depuis longtemps, le marché français est un marché qui est établi depuis des nombreuses décennies. Donc, ça crée qu'il est plus conservateur. Il y a des règles. Les gens sont habitués à des recettes. Donc, quand tu sors des recettes, c'est normal. Un, tu vas plaire à des gens qui recherchent la nouveauté, mais après ça, il y a les plus vieux consommateurs qui n'aimeront pas beaucoup se faire brosser la cage. Et tu le disais, le tome 2, tu l'as terminé hier. Tantôt. Il y a 2 heures. OK, juste avant d'arriver ici. Oui. La sortie est prévue pour... C'est fin de l'été, donc août septembre à peu près. Août septembre, ouais. Donc vraiment back-to-back, comme on dit en anglais. Et le titre sera « La fille qui explose ». Excellent. Ben alors, ce que je te propose, Michel, c'est que je garde la moitié de mes questions et que je les garde pour le tome 2. Et comme ça, on pourra peut-être justement révéler un ou deux trucs de plus, explorer d'autres éléments. Ça va me faire plaisir. Excellent. Michel Falardeau, merci à toi. Merci. Et ben, je rappelle donc le premier tome de la nouvelle série de Michel Domaine Grilloire, donc vient de sortir du côté de Glénat. Deuxième tome qui arrive cet automne, donc on n'aura pas trop à attendre pour découvrir le deuxième volet de ce diptyque. Thank you. ben voilà, donc autre petit extrait de cet album Amorce, Frédéric Brunet, donc musicien qu'on voit souvent justement dans les activités BD, entre autres choses, et ben qu'on découvre en version solo, un album qui est disponible sur Bandcamp d'ailleurs si vous voulez y mettre la main. Et maintenant on porte un regard bref sur une activité qui a lieu ce soir, c'est le gala des finissants et des étudiants en général, donc au baccalauréat en arts et sciences de l'animation de l'école de design de l'Université Laval. Et pour nous en parler, on est en compagnie d'un des responsables du gala, le chargé de cours à l'école de design, Jean-Jacques Tremblay. Bonjour. Bonjour. Et ben en fait, Gala Baza, de manière générale, c'est une soirée de projection des travaux justement des étudiants et étudiantes. J'imagine que c'est un peu dans l'esprit de leur donner, de leur offrir une vitrine pour présenter leur travail dans un contexte quand même assez plus intéressant qu'une projection en classe ou quelque chose du genre là. Absolument, c'est sur un grand écran qui se passe au théâtre impérial. Donc c'est en plein centre-ville, c'est public, donc c'est une belle présentation, c'est une belle vitrine pour eux, et ça récompense les meilleurs projets qui ont été faits pendant l'année. Oui, parce que ça, c'est l'idée en fait aussi de créer un gala, donc d'inviter les étudiants à soumettre leurs projets. D'où est venu, est-ce qu'on s'est dit que c'était nécessaire justement pour avoir un élément additionnel, d'avoir le côté gala, justement le côté récompense? Oui, c'était exactement. Donc, il y a des prix qui sont attribués. Il y a des jurys qui ont été choisis dans les professionnels de l'industrie qui se sont réunis et qui choisissent les films qui sont projetés et aussi qui offrent des prix pour différentes catégories comme le meilleur court-métrage 2D, le meilleur court-métrage 3D, animation graphique, etc. Donc, il y a des prix qui sont remis. Et c'est ça, exactement. Donc, ça fait une belle soirée, une belle fête d'animation, finalement. Et j'imagine que pour le programme, ça devient aussi une vitrine assez représentative de ce que les étudiants apprennent, finalement, au fil de leur formation. Absolument, à l'Université Laval, au BAZA, en animation. Il y a exactement, comme vous dites, il y a du 2D, il y a du 3D, il y a l'animation graphique, il y a des effets visuels. Les gens font du dessin, ils utilisent des techniques différentes pour faire de l'animation. Souvent, ça va être très technologique, avec des logiciels assez compliqués. Souvent, ça va être un peu plus simple et plus direct. Mais à peu près tout est représenté à l'Université Laval en animation en termes de technique. Et est-ce que ça devient une nécessité justement d'explorer le panorama le plus large possible dans les études pour réussir à trouver sa place, trouver le style d'animation qu'on veut faire? Ou est-ce que c'est une nécessité parce qu'au niveau professionnel, il faut que les étudiants soient le plus, quand ils arrivent sur le marché du travail, soient le plus malléable possible, capable de répondre à tous les besoins potentiels? Ben, je vais te dire, ce qui est intéressant, ce qui est important, en fait, c'est de savoir un peu tout, puis d'avoir une bonne idée du contexte général, de savoir aussi bien un peu la scénarisation, même un peu le storyboard, le scénarimage, d'être capable de faire un peu de d'animation 2D. Mais par contre, quand on arrive sur le marché du travail, c'est souvent assez spécialisé, en fait. Ça va être une personne différente qui va faire la modélisation de la tête d'un personnage qu'une personne qui va animer ce personnage-là, par exemple. Donc, rendu sur le marché du travail, c'est plutôt rare, en fait, qu'une personne va tout faire ça. Souvent, ça va être assez spécialisé. Et justement, j'imagine qu'en cours de formation, ben, ils sont appelés aussi à choisir un peu certaines formes de spécialisation ou à trouver la spécialisation dans laquelle ils sont peut-être le plus confortables. Exactement. Donc, la première année, dans notre cas, à Laval, c'est de l'exploration où est-ce qu'ils touchent à peu près tout. Fait que déjà, en deuxième année, il y a un petit peu de spécialisation. Les gens vont décider qu'ils vont peut-être préférer l'illustration puis le concept art. Il y en a d'autres qui vont tout de suite dire que moi, non, c'est plutôt l'animation graphique, le motion design qui m'intéresse, la communication à travers l'animation, ça, je trouve ça intéressant. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, c'est l'animation de personnages que je veux faire. Déjà, en deuxième année, ça se passe. Ça fait que dès la deuxième année, les étudiants sont mis dans des projets de groupe. Souvent, ils vont travailler déjà un peu spécialisés dans leur projet d'équipe. Et puis ça représente assez bien, en fait, ce qui se passe en industrie. Et la troisième année, ce qui se passe, c'est que là, c'est très libre. Dans le fond, ils vont faire leur projet de bac. Puis dans leur projet de bac, justement, souvent, ils vont se mettre avec peut-être la même équipe ou une autre équipe. Et ils vont jouer leur rôle un peu comme ils joueraient en industrie pour produire ou réaliser un court-métrage, un film. Et souvent, d'ailleurs, ces films-là se retrouvent souvent au gala comme ce soir. Et en même temps, j'imagine aussi qu'il y a une dynamique différente quand on s'attaque à de la 3D qu'à de la 2D. La 2D qui doit être peut-être un peu plus... un rythme de travail ou un rythme de résultat qui est plus... qui atteint plus rapidement un plateau, tandis qu'au niveau 3D, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de travail en amont avant d'arriver à la première seconde d'animation. Ah ben c'est exactement ça, c'est beaucoup ça. Dans les deux cas, il y a de la pré-prod quand même. En 2D ou en 3D, il faut prévoir un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, on fait des concepts, on fait des images, des couleurs, des un plan de ce qu'on va vouloir voir à la fin. Dans les deux cas, il y a un petit peu, il y a quand même de la pré-production, mais c'est vrai qu'en 3D, si on n'a pas fait les modèles, puis on les a pas texturés, puis on n'a pas mis le rig à l'intérieur, c'est-à-dire un système pour pouvoir animer les éléments, ben on peut rien faire. Donc effectivement, il y a quand même des productions plus importantes souvent en 3D. Et j'imagine que quand là ça, les résultats commencent à rentrer, là ça déboule, puis c'est vitesse grand V là. Oui, c'est mais c'est toujours de l'animation quand même. Mm-hmm. Parce que même quand les choses sont faites en 3D, on peut dire que tout est quand même fait à la main, dans le sens que on va toujours quand même regarder image par image, juger, s'assurer que le contraste est beau, que les formes sont correctes, que le cadrage est correct. Et puis, même si l'ordinateur nous aide à avancer tout ça et accélérer certaines parties, il y a quand même beaucoup de travail qui est quand même un petit peu un travail de moine, même quand on travaille en 3D. Et faut dire aussi, j'imagine qu'au niveau des cohortes, l'expérience rentre, ça se développe, l'intérêt lui suit aussi les tangentes du moment, ou ça reste, parce qu'au niveau cinéma, ce qu'on voit présentement, c'est beaucoup, beaucoup de 3D, de moins en moins de 2D, à part du côté japonais. Au niveau du programme, est-ce que les étudiants sont quand même encore beaucoup rattachés, intéressés par l'animation 2D? Je dirais que c'est pas totalement vrai ce que vous dites, parce qu'il y a toujours des productions, pas nécessairement en termes de cinéma, c'est vrai, j'avoue que Disney a fermé son département en 2D, mais c'est pas vrai que l'animation 2D est finie, mais loin de là même. Il y a de l'animation 2D qui se fait en série, il y a nous on a des anciens qui travaillent en 2D en ce moment. Il y a toujours de l'animation 2D. Si on regarde les jeux pour téléphone ou bien pour tablette, il y a beaucoup là-dedans, on s'en rend pas compte, hein, mais il y a beaucoup d'animation 2D là-dedans. On a tendance à penser aux grandes productions cinématographiques, mais l'animation 2D est pas morte du tout, il y en a toujours. Mais pour répondre à la question, c'est vrai que naturellement, je pense qu'on s'adapte un peu à ce qui se fait et puis on évolue, on espère même qu'on aide à faire évoluer le marché et puis l'industrie. Mais en fait, oui, je pense qu'il y a autant, il y a quand même du 2D et du 3D. Et en terminant, Jean-Jacques Tremblay, on vous prend un peu à mi-chemin entre l'Impérial où il y aura le gala Baza ce soir à compter de 19h30 et le Musée de la Civilisation où il y aura une exposition bien fin mai, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a une exposition en ce moment, encore 2 jours, vous pouvez venir. Vous allez voir les réalisations des finissants de cette année. Et les rencontrer et leur poser des questions et voir leur beau projet et les images qu'ils ont réussi à réaliser dans les 3 dernières années. Alors voilà, on lance l'invitation et Jean-Jacques Tremblay, bon gala à vous et à vos finissants ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, Jean-Jacques Tremblay, je rappelle, qui est chargé de cours à l'école de design en animation et art 3D et 2D. Alors, en art et sciences d'animation, voilà. Alors, donc, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour la dernière de la saison. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir.